Le gouvernement méprise les salariés, les grévistes, la population et la jeunesse, et maintenant les prérogatives du groupe du Parlement. Les actions et les grèves se multiplient sur l'ensemble du territoire. Les organisations la vraie démocratie. Les nombreuses mobilisations organisées hier soir, notamment des retraites au plan d'eau. La vraie démocratie. Les organisations appellent à une mobilisation maximale par la grève et les manifestations massives. La vraie démocratie. Pour obtenir le retrait de ce projet de loi et de véritables négociations sur la base des revendications portées par les syndicales majoritaires. Le Parlement devrait commencer à discuter du projet de loi. D'ici là, les organisations appellent à confier la loi, les actions, y compris en étudiant les arrêts de travail, en interpellant les parlementaires et en organisant des actions de défense du droit du travail dans des lieux sûrs. Les retraites à point, on en veut point. La détermination à retirer ce projet de loi est entière. On en veut point. Brisons les chaînes de l'Union Européenne. La suite à donner à nos mobilisations. Brisons les chaînes de l'Union Européenne. La retraite à point. Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi. Les jeunes de la guerre, les vieux de la misère, de cette société, on en veut pas. Les jeunes de la guerre, les vieux de la misère, de cette société-là, on en veut pas. Retraite à point, retraite en moins. Retraite en point, retraite en moins. Retraite à point, retraite en. Retraite à point. Retraite à point. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh, Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. On est là, les petits blocs on ne veut pas, on est là. Pour défendre les travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Blanquer ne veut pas, on est là. On est là, on est là. Même si Berger ne veut pas, on est là. Pour défendre les travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Berger ne veut pas, on est là. Retraite à point, tous perdants. Retraite à 60 ans. C'est pas au patronat de faire la loi. Qui savait ta réforme, ta politique, Macron? Si tu savais ta politique, ouvre la main. Hopi, hopi, hopi, hésitation. Hopi, hopi, hopi, hésitation. Rejet du projet Macron. Ni négociation, ni concertation, la conférence, on s'en balance. Ni négociation, ni concertation, la conférence, on s'en balance.